quelle lassitude. Les jours qui filent sans rien laisser qu'un bout de songe. Évanouis, les souvenirs ont un goût fragile. Et n'ose m'ennuyer maintenant, tout va mieux. Je flotte en son sein, les souvenirs m'enivrent, je sais, mais n'oublie. Je cours des heures pour être à l'abri du temps, mais les ombres sont folles et s'en mêlent au présent. Ton visage éclaire, tes yeux roulent dans l'air, tout se dissipe à mesure que je te sens loin. Je flotte en son sein, les souvenirs m'enivrent, je sais, mais n'oublie pas.